Okay, are you ready? Hey, restart. 3, 4. Ladies and gentlemen, on guitar player, made in Spania, Mr. Neo Droid. Come on, my friend. Mentira. Quantos tiernos infantos que vanta tu. Vuela con tu fotonovela. Ale. Vuela, mure, fotonovela. Vuela con tu fotonovela. vuela, mourir fotonovela. Allez, allez. Please give me the guitar song, please, fotonovela. Allez! Fotonovela, voilà, mourir fotonovela. Allez. Ouais, c'est une chanson. Remis au goût du jour de Benji, c'est pas du tout ça, mais bon, c'était Fotonovela, un vieux morceau des années 80. Est-ce que tu veux essayer à la basse? Est-ce que tu veux essayer à la basse? Allez, on va essayer. Tu veux essayer?